إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui on continue l'explication en langue française du livre intitulé من كنوز القرآن الكريم لشيخنا العلامة عبد المحسن العباد الباتر حفظه الله تعالى. Donc le titre parmi les trésors du Coran. On est toujours في surat al-Baqarah, dans la surat la vache, et le cheikh va continuer à expliquer certains versets qui d'après lui sont judicieux à présenter et en mettre en valeur ce qu'ils contiennent comme sagesse et comme trésor. Le verset d'aujourd'hui c'est surat al-Baqarah. Donc, et le verset 104. Le verset 104. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ô vous qui croyez, ne dites pas ra'ina. Le terme ra'ina, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais dites unzurna, c'est-à-dire regardez-nous, wasma'u, et écoutez. Walilkafirin عذاب أليم, un châtiment douloureux sera pour les infidèles. يقول الشيخ حفظه الله هذه أول آية في القرآن بدأ الله عز وجل بنداء للمؤمنين. Ça c'est le premier verset dans le Mus'haf, dans le Coran, où Allah عز وجل commence par appeler les croyants. Donc bien sûr on a nida, ce qu'on appelle an-nida'u, qui est en fait l'appel. Donc lorsqu'on appelle quelqu'un qui est proche de nous ou qui est loin de nous, on fait ce qu'on appelle un appel. Donc c'est un appel. Et ici, donc le terme appel c'est an-nida, an-nida ou en langue arabe. Et an-nida huna c'est ya ayyuhalladhina amanu. Lorsque en fait il y a un verset qui commence ya ayyuhalladhina amanu, c'est un appel, et un appel bien sûr pour les croyants. Pour les croyants, alladhina amanu. Donc Allah Azza wa Jalla il appelle les croyants, il va parler aux croyants. Uniquement aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Le shir il dit وتبلغ الآية المبدوءة بهذا النداء قريبا من 90 آية آخرها قوله تعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. Il dit en fait que les versets qui commencent par cet appel, l'appel d'Allah Azza wa Jal qu'il fait aux croyants, ils sont de 90. Il y a 90 versets dans le Coran qui commencent par يا أيها الذين آمنوا, 90 versets, 90 ayah. Et ça c'est le premier aujourd'hui qu'on va voir. Et le dernier de ces versets c'est fi surat at-tahrim, qui est l'interdiction, at-tahrim, et qui est le verset numéro 8. C'est le dernier verset où dans le Coran Allah Azza wa Jal va appeler les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Et ça c'est le dernier appel Allah Azza wa Jal qu'il fait. Et on voit en fait quel est cet appel qui n'est pas des moindres. Allah Azza wa Jal nous dit ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Ça c'est la dernière dans le Coran, c'est le dernier appel qu'Allah Azza wa Jal fait aux croyants. Et cet appel il comprend quoi? Il comprend l'obligation de revenir à Allah Azza wa Jal. Toubou ilallah al-amruna, toubou al-amr, toubou ilallahi tawbatan nasuha. Donc revenir à Allah Azza wa Jal, Taubatan nasuha, d'un repentir sincère, d'un repentir qui est sincère et véridique. Et le chef nous dit wasuwaru min al-hadid ila at-tahrim, c'est-à-dire les sourates qui partent de al-hadid, du fer, jusqu'au at-tahrim, ila at-tahrim, donc ce dont le verset qui est cité, c'est-à-dire surat at-tahrim, l'interdiction. Fiha ayatun badat bi hadha an-nida ila surat at-talaq fa fiha fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzalallahu ilaykum dhikra. Ça c'est fi surat at-talaq, qui est le divorce, et c'est le verset numéro 10. C'est le verset numéro 10. Donc il nous dit tout simplement le shir que, à partir de surat, la surat du fer, jusqu'à tahrim, dans tous les surats qui vont aller de, qui sont comprises entre al-hadid, le fer, et l'obligation qui est l'interdiction, enfin qui est tahrim, fiha ayatun badat bihadha nida. Il y a des versets qui se trouvent à l'intérieur de ces surats qui ont commencé par cet appel. Sauf une surat qui est surat al-talaq. Et le verset qu'on a cité, il y a à l'intérieur fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu, alladhina amanu. Donc c'est pas comme ya ayyuhal ladhina amanu. Donc on voit ici que au niveau de l'exposition du verset, c'est différent. Donc craignez Allah, donc ô vous qui êtes doués d'intelligence, vous qui avez la foi. Certes Allah a fait descendre vers vous un rappel. Donc on voit que as-sirah est ici différente. Non. Et ensuite, le shir va nous expliquer une des paroles de Ibn Mas'ud. يقول وقد أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية وتفسير الآية الأولى من سورة المائدة أثرا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. En fait, Ibn Mas'ud, il nous explique ici une de ses paroles. Abdullah Ibn Mas'ud, il va nous expliquer que dans le Coran, à chaque fois qu'on va entendre ce an-nida, c'est-à-dire cet appel, ya ayyuhal ladhina amanu, qu'est-ce qui va suivre cet appel? Il nous dit Ibn Mas'ud, à chaque fois, et ça c'est répétitif dans le Coran, il dit dans un premier temps fa'ar'iha sam'ak, c'est-à-dire penche ton écoute, c'est-à-dire concentre-toi et sois attentif à ce qui va venir. Lorsque tu entends Allah Azzawajal qui dit dans le Coran ya ayyuhal ladhina aman, vous qui avez cru, ça c'est un appel. Allah Azzawajal yukhatibuna, Allah Azzawajal il nous parle, il parle aux croyants de façon générale. Ensuite il dit après cela donc fa innahu khayrun yu'maru bih, c'est-à-dire un bien, ça va être un bien pour le croyant, et ce bien là Allah Azzawajal lui oblige de le faire, c'est-à-dire un bien qui est obligé de faire, qu'on est obligé de faire. Le Mas'ud il dit c'est un bien, donc toute obligation dans le Coran est un bien pour le croyant. Ça c'est une certitude que chaque croyant a dans le fond du cœur. C'est une certitude yaqin que chaque chose qu'Allah Azzawajal nous a ordonné de faire, c'est un bien. C'est un bien. C'est pour ça que les savants disent que chaque obligation contient un bien. Et s'il se trouve un mal à l'intérieur de la chose qui nous est ordonnée, il faut savoir que ce mal est minime, mais que l'ensemble de cet ordre-là va comprendre le bien. Ça, c'est une des règles que l'on voit au niveau des bases de la jurisprudence. C'est-à-dire que chaque chose qui est ordonnée dans la religion, نقول فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt qui est total, qui est complet, ou un intérêt qui va prendre le dessus sur ce qui est néfaste. Donc يقولون maslahatun mahba ou maslahatun rajiha, c'est pour ce qui est de l'ordre. Ou sharrun yunha anhu, ou un mal yunha anhu. Donc dans un premier temps une obligation et c'est un bien, et dans le deuxième temps une interdiction et c'est un mal. Ou sharrun yunha anhu, et bien sûr toute interdiction dans l'islam, elle comprend en fait un mal pour le croyant, automatiquement. C'est-à-dire que tout ce qui est interdit dans l'islam, ça comprend un mal. Et ça, c'est une croyance que l'on doit avoir. Tout ce que la religion, tout ce qu'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit dans la religion, il faut savoir qu'à l'intérieur de cette interdiction, il y a un mal. Que l'on sache ce mal ou qu'on ne le sache pas, qui nous est rendu évident, ce mal ou qui ne l'est pas rendu évident, une croyance que l'on doit avoir, c'est que chaque interdiction comprend un mal. Et là pareil, c'est-à-dire mafsadatun mahba ou mafsadatun rajiha, c'est-à-dire un mal qui est pur, un mal pur, ou en fait la présence d'un mal, et ce mal va l'emporter ou va être plus grand que le bien qui se trouve dans cette chose-là. Donc ça c'est la parole de Ibn Mas'ud. فَأَرْعِيهَا سَمْعَكْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ يُؤْمَرُ بِهِ أَوْ شَرٌ يُنْعَنُ. Ensuite il va nous rapporter par rapport, maintenant on va rentrer dans l'explication ensuite de la suite du verset. لَا تَقُولُ رَاعِنَا. لَا تَقُولُ رَاعِنَا. Donc ici c'est une interdiction. On voit que c'est ici une interdiction, et l'interdiction de dire le terme ra'ina, et on va voir ce que veut dire ce terme ra'ina. Il rapporte maintenant le shir, hafizahullah, il rapporte une parole de Ibn Kathir par rapport à l'explication de ce verset. Yaqul, nam, wa qala Ibn Kathir fi tafsir hadhihi al-aya. Naha Allah ta'ala 'ibada wal mu'minin an yatashabbahu bil kafirin fi maqalihim wa fi'alihim. Wa dhalika anna al-yahud كانوا يعانون من الكلم ما في تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا يورون بالرعونة يورون بالرعونة. طيب Ibn Kathir nous explique ici que Allah Azza wa Jal, il nous a interdit de faire une chose, et il a interdit ses croyants, les croyants ses serviteurs croyants, de ressembler au kuffar. Dans ce verset-là, il y a en fait l'interdiction de ressembler au kuffar. C'est pour ça qu'il, au mécréant. C'est pour ça qu'il dit an yatashabbahu bil kafirin. Dans quoi? Fima qalihim, dans leurs paroles, wa fi'alihim, ou également dans leurs actions, dans leurs actes, dans leurs paroles et dans leurs actes. Et on nous expliquait ici ce qui est voulu par le verset, bien de manière précise. C'est-à-dire il va parler maintenant des juifs. Le verset ici est descendu en fait par rapport aux juifs. Vous savez en fait que les juifs, ils avaient une habitude par rapport à leurs antécédents, ceux qui ont vécu avant et ceux qui ont vécu du temps du prophète, c'est qu'ils faisaient en fait, lorsqu'ils parlaient, ils disaient une parole où il disait une phrase, il voulait par cette phrase une autre chose que celui qui le comprenait. C'est ce qu'on appelle en fait tawriya. Le terme ici, qui est un terme important qu'il faut écrire, tawriyatun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'une personne, il veut dire quelque chose, mais il va employer en fait un terme qui prête à confusion, et que l'on peut comprendre de cette parole une autre compréhension, ou plutôt ce qui n'est pas voulu par celui qui parle. On va revenir sur ça, on va donner des exemples, et on va voir que dans la religion, dans certains cas, c'est permis. C'est ce qu'on appelle la tawriya. Donc, toi, tu veux dire une chose, ou tu as l'intention de dire une chose, mais tu veux pas que la personne la comprenne. Tu veux pas que cette personne la comprenne, cette chose-là. Donc, tu vas dire une parole yahtamil, c'est-à-dire, on peut vouloir dire, elle peut vouloir dire cette chose-là, ou elle peut vouloir dire autre chose. Et en fait, tu sais que en la disant, la personne qui va l'entendre, elle va comprendre la chose que toi tu ne veux pas. Et de par ce procédé, ça va te permettre en fait de cacher ce que tu ne veux pas lui dire, ce que tu ne veux pas lui informer. Taïb, c'est ce qu'on appelle donc Tawriya. Ici, c'est ce que faisaient donc les juifs. Ils l'ont fait avant et ils l'ont fait du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils disaient, quand ils voyaient le prophète, comme nous l'expliquent certains, ceux qui expliquent le Coran, Mufassirun, lorsqu'il rencontrait le prophète, il lui disait Ra'ina. Il lui disait Ra'ina, cette parole-là. Taïb. Et comme aussi ils ont dit auparavant, cette parole-là, c'est une parole qui n'est pas nouveau, qui n'est pas nouvelle, une parole qui est connue chez eux et qui veut dire quelque chose de bien précis. Donc en fait, comme l'explique également Ibn Sheikh Sa'di rahimullah dans son tafsir, il veut dire que cette parole Ra'ina comprend une signification qui est acceptable, c'est-à-dire qui est louable, qui comprend quelque chose de, qui est tout à fait normal au niveau de la langue, mais il comprend aussi, cette parole-là comprend également une signification qui est mauvaise, fasid, qui est très mauvaise. Et en fait, lorsqu'ils ont employé ce terme-là, les juifs, par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient par là la mauvaise, bien sûr, la mauvaise chose, ou la compréhension mauvaise. Et qu'est-ce que enam? Alors que les Ansar, ils utilisent également ce terme-là, Ra'ina. Et ils l'utilisent également avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, ils voulaient par là la bonne signification et non la mauvaise signification, ou celle qui comprend en fait ce qui est néfaste ou ce qui est malhonnête, inam, comme on va le voir. Donc qu'est-ce que veut dire ce terme ra'ina? Yashir yaqul yuwarrun birru'una, birru'una. Et qu'est-ce que ça veut dire ru'una au niveau de la langue arabe? Ça veut dire en fait al-humq. On dit al-humq, on peut dire aussi al-humq. Al-humq, al-haw wa mim wa qaf, et qui est en fait la stupidité. Qui est la stupidité, l'imbécilité. C'est comme s'il disait ya ahmaq, ya ahmaq, oh imbécile. C'est en fait ce qu'il voulait par ce terme-là. Alors que à la base le terme ra'ina, ça veut dire comme il est traduit ici. Oh, ils l'ont traduit par yani ra'ina, c'est-à-dire facilite-nous la tâche ou favorise-nous la tâche, simplifie-nous la tâche. C'est ce que veut dire ce terme-là, ra'ina. Et ça, c'est la bonne signification du terme. Et c'est ce qu'employaient en fait les Ansar lorsqu'ils parlaient au prophète. Donc ils ne voulaient pas de mal par rapport à ça, bien au contraire. Alors que les Juifs, lorsqu'ils rencontraient le prophète, ils lui disaient ra'ina, eux, ils voulaient par là la mauvaise interprétation, c'est-à-dire ce qui comprend ru'una, c'est-à-dire l'imbécilité. Comme s'ils lui disaient en fait ya ahmaq. Oh imbécile, la'natullah alayhim, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Donc ça, c'était le procédé qui était employé par les Juifs. Taïb. Et donc à partir de là, malgré que Ansar utilisait cette parole là et qu'il ne voulait pas dire la mauvaise chose ou le mauvais aspect de ce terme là, Allah Azzawajal leur a quand même interdit de dire cette parole là. Il a interdit aux croyants de dire cette parole là. Et pourquoi? Afin de ne pas ressembler aux kuffar, aux mécréants. Et c'est pour ça donc qu'il nous a expliqué Ibn Kathir, an yatashabbahu bil kafirin fi maqalim wa fi alim, dans leurs paroles et dans leurs actes. Et la preuve qu'il va nous donner le shirk, c'est-à-dire un autre verset qui nous fait comprendre encore un peu plus leur procédé, min alladhina hadu yuharrifuna al kalima an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma ghayra musma'in wa ra'ina وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ça c'est في سورة النساء et c'est le verset 46. من الذين هادوا. Minalladhina hadou sont en fait les juifs, al-yahoud. Et le terme qui est pris ici, hadou, comme l'explique Muhammad al-Amin fi Abu al-Bayan, yaqul, ay raja'u bit-tawba ila Allah min ibadati al-ajl. Donc c'est pour ça que ce terme, minalladhina hadou, est spécifique pour les juifs. Et on veut dire par là, le Coran, et Allah Azzawajal veut dire par ce terme, minalladhina hadou, hadou, il veut dire les juifs. Pourquoi? Parce que ce sont ceux, dans l'explication du terme hadou, ce sont ceux en fait qui sont revenus avec repentir à Allah Azzawajal de quoi? De l'adoration du veau d'or, comme tout le monde le sait, ce qui s'est passé avec Moïse et Bani Israël. Et Bani Israël, lorsqu'ils ont adoré le veau, et ensuite ils se sont repentis à Allah Azzawajal, et à partir de là, ils ont été appelés de cette façon-là. Donc c'est le terme hadou, minalladhina hadou, et qui sont al-yahoud. Donc lorsqu'on dit minalladhina hadou, qu'on dit al-yahoud, le terme employé par le Coran al-yahoud, ou ceux-là, ce sont en fait les juifs, bien sûr. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَضِعِهِ. Ça aussi, Allah Azzawajal va nous mettre en évidence dans ce verset, qu'est-ce qu'ils font les juifs? Ils détournent les mots de leur sens. Ça, c'est leur façon de faire. Donc on voit ici que lorsqu'ils disaient ra'ina, ils détournaient bien en fait le mot de son sens premier. Parce qu'à la base, le terme ra'ina n'est pas une insulte. Donc ils voulaient parler à chacun. Il voulait parler à l'insulte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à la base, le terme ra'ina qui est utilisé au niveau de la langue arabe, dans beaucoup de cas, ou la plupart des cas, on ne veut pas dire par là, comme on l'a expliqué, ce qui est mal. Et comme on l'a dit, ça veut dire, bien sûr, facilite-moi ou alors favorise-moi, etc. au niveau de la langue. Ra'ina. Wa yaquluna sami'ana wa asayna. Allah musta'an. Et ils disent, nous avons entendu, mais nous avons désobéi. Au lieu de dire ta'ana, comme après va le dire Allah azzawajal, ils disent, wa'asayna, nous avons désobéi. Wasma wayra musma'in. Wasma wayra musma'in. C'est-à-dire, écoute, et comme certains, comme Ibn Abbas l'explique, isma ma naqul, la samiat. Yani, écoute ce que l'on dit, mais sans que tu ne comprennes ou sans que tu n'écoutes, sans que tu n'entendes ce qu'on dit, sans que tu n'entendes. C'est-à-dire, écoute ce qu'on va te dire, mais sans que tu l'entendes. C'est ce que, en fait, veut dire ce verset. C'est par l'wasmar, wa'ira musma'in, wara'ina. Donc, on revoit que le terme, il est renvoyé ici. Wara'ina, ce verbe qu'il utilisait. La yam bi al-sinatim wa ta'anan fi din. Donc on voit en fait al-maqsoud bi hadhihi al-kalima. On voit en fait la signification chez eux de par la prononciation de cette parole-là. Et donc, comme c'est traduit, nam tord dans la langue et attaquant la religion. C'est-à-dire tord dans la langue et attaquant la religion. C'est-à-dire comme on a dit, la yam bi al-sinatim. Yani, comme on a expliqué, ça fait partie de Tawriya. C'est-à-dire qu'il disait quelque chose que l'on pouvait comprendre au sens bien, mais eux, ils voulaient le sens mal. وَطَعْلًا فِي الدِّينِ. Et afin de, comme c'est expliqué, وَطَعْلًا فِي الدِّينِ, afin d'attaquer la religion. Afin d'attaquer la religion. Allah Musta'an. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il leur dit, وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا. C'est-à-dire, il dit que s'ils avaient dit, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. S'ils avaient dit, nous avons écouté et nous avons obéi. وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا. Donc ici, comme dans le verset. وَقُولُوا انْظُرْنَا. Donc Allah Azza wa Jal a dit aux croyants, au lieu de dire la parole ra'ina, dites alors on vourna, afin que vous soyez différents des juifs dans leurs paroles, c'est-à-dire des mécréants de façon générale dans leurs paroles. On vourna la kana khayran lahum wa aqwam. Cela est meilleur pour eux et bien sûr plus droit wa aqwam. Walakin la'anahumullahu bikufrihim. La'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Donc mal'ounoun, ils sont en fait maudits par Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que ils ne croiront pas. Ils sont maudits de par la mécréance qu'ils ont eue envers le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé. Fala yu'minuna illa qalila, c'est-à-dire que peu d'entre eux vont croire si ce n'est un nombre, yani ils ne croiront pas si ce n'est un nombre très petit, infime, qalil. Et le shir nous dit وكذلك جاءت الاحاديث بالاخبار عنهم بانهم كانوا اذا سلموا انما يقولون السلام عليكم والسلام والموت ولهذا امر ان نرد عليهم ب وعليكم وانما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نعم. Donc en fait aussi, parmi les procédés qu'utilisaient les juifs lorsqu'ils rencontraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme cela est advenu dans le hadith qui est authentique, et dans les hadiths, plusieurs fois, lorsqu'ils rencontraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs lui disaient au prophète « Assalamu alaykum »« Assalamu alaykum » au lieu de dire « Assalamu alaykum ». Et c'est vrai que, regardez un peu le procédé qu'ils utilisaient encore, « Yanifil khubf ». Regardez un peu, pourquoi? Parce que de loin, lorsqu'on entend « Assalam », donc ça commence par le sin, comme assalam. Taïb, donc une personne qui peut être de loin, il peut comprendre en fait la parole assalamu alaykum. Il peut comprendre ça. En fait, qu'il disait assalamu alaykum. Regardez, assalamu alaykum ou assalamu alaykum. Si on dit vite fait et un peu de loin, et Annie, la parole va être proche, ou on va dire la note, ce qu'on va entendre, hein, c'est proche en fait. Assalamu alaykum ou assalamu alaykum. Regardez un peu la façon de. Ou comment il procédait, Allah al-Musta'an. Ou comme il dit le shir, assam ou al-mot, c'est-à-dire la mort. Donc il disait sur le prophète que la mort soit sur toi. La'natullah alayh. Et c'est pour ça donc que le prophète, sur le même temps passé, il disait wa alaykum. Et vous savez bien sûr l'histoire, parce que Aïcha a entendu cela, elle s'est mise en colère, elle a commencé à les insulter. Et bien sûr, radiallahu ta'ala, sur le prophète, lui a mis en évidence qu'il avait simplement dit wa alaykum, c'est-à-dire et sur vous aussi. Et c'est pour ça qu'il nous est obligatoire, il nous est obligé de répondre lorsqu'ils nous disent ce terme assalamu alaykum wa alaykum, on doit ou qu'ils nous disent assalamu alaykum, on doit dire tout simplement alaykum. Donc s'ils nous ont dit assalamu alaykum, donc c'est narud kama, on fait comme ils nous ont dit en fait wa alaykum. Et s'ils nous ont dit en fait la mort, alors également wa alaykum, c'est-à-dire sur vous aussi la mort. Et yaqul le shaykh wa inna ma yustajabu lana fihim, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal va répondre à notre doa sur eux, alors que eux, leur doa n'est pas répondu ou n'est pas pris en compte par Allah Azza wa Jal. Inna ma yustajabu lana fihim, c'est-à-dire lorsqu'on dit wa alaykum, c'est-à-dire wa alaykum assalam, Allah Azzawajal yastajib, c'est-à-dire qu'il répond à notre doua, il répond en fait à notre invocation. Alors que wala yustajabu lahum fina, alors que Allah Azzawajal ne répond pas à leur invocation, ne répond pas à leur requête lorsqu'ils demandent en fait la mort, ici en l'occurrence sur le prophète sallam ou sur les autres. Et ensuite c'est pour ça que le shir il dit wal gharabu anna Allah ta'ala naha al mu'minina al mushabahati al kafirin qawlan wa fi'lan. Donc il répète, il dit qu'il nous est interdit par là, par ces choses qu'on a vues, c'est-à-dire par le verset du Coran, par le hadith qu'on a vu, d'après ce que faisaient les juifs. Et, le but de cela, c'est qu'Allah Azzawajal nous interdit qu'on ressemble aux mécréants, que ce soit par rapport aux paroles ou que ce soit par rapport aux actes. Non. Et donc ensuite, il nous explique marna tawriya. Donc on revient au terme tawriya et qu'on traduit aussi par al-ma'arib. Ça aussi, c'est un terme qui est proche ou qui est synonyme au terme tawriya. C'est pour ça qu'il y a qu'il shir wa tawriyatu fil kalami wa kaza al ma'arid fihi an yaqula qawlan yuridu minhu ma'nan wa yufham aw yafham as-sami'u ma'nan akhar huwa ja'izun idha da'at ilayhi hajatun wa lam yakun fi isqat wa lam yakun fi isqat al-haqq aw ilhaq ad-darar bi ahad. طيب donc il nous dit أن يقول قولا يريد منه معنى معنى ويفهم السامع معنى آخر. C'est-à-dire qu'il dit une parole et qu'il veut par cette parole une signification bien précise, alors que celui qui entend, il va comprendre une autre signification. C'est tout simplement ça, tawriya, comme on l'a dit. Et on appelle aussi le terme qui traduit également cela. Donc pourquoi il utilise ce terme-là? Parce que c'est venu dans certaines paroles. Al-ma'arib. Donc si on l'écrit, al-ma'arib. Tayyib. Et ensuite, يقول que cela est permis en cas de nécessité. C'est permis d'utiliser cela en cas de nécessité. À une seule condition, il nous dit le shir. À une seule condition. C'est-à-dire, deux conditions. Isqat ul haq. C'est-à-dire, à condition que, de par cette parole-là, on n'annule pas le droit d'une personne. Isqat ul haq. Ou isqatun li haqqin. Isqatun li haqqin. Qu'on n'annule pas le droit d'une personne par cette parole-là. Donc le natija, c'est-à-dire que le résultat de cette parole-là va être en fait l'annulation d'un droit, le droit d'autrui. Ça c'est la première condition. Ou ilhaq dararin bi ahadin, ou que l'on cause un dommage pour une autre personne. C'est-à-dire que lorsqu'on va employer cette façon de faire, cette façon de parler, si à l'intérieur de cela il comprend le fait que l'on porte dommage à une personne, alors cela est interdit. Cela n'est pas permis. Donc dans les deux cas, comme on l'a répété. Et maintenant, quelle est la preuve par rapport à cela qu'il est permis lorsque c'est un cas de nécessité? Yaqul wa fil adab al mufrad lil Bukhari. Donc dans son livre, l'imam al-Bukhari, vous savez qu'il a plusieurs livres, l'imam al-Bukhari. Il n'a pas seulement al-Sahih, l'authentique, mais il a plusieurs livres. Parmi ces livres-là, al-adab al-mufrad. Al-adab al-mufrad. Bi sanadin sahih. Donc de par une chaîne de transmission, le shir qui nous dit qu'elle est authentique. An Omar radiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Donc ça c'est une parole de Omar et qui est une parole qui est authentifiée. Amma fil ma'arid ma yakfi al muslim al kadhib. Et ça bien sûr c'est une interrogation, istifham. Yani amma fil ma'arid ma yakfi al muslim al kadhib. C'est-à-dire, il dit tout simplement, Omar ici, est-ce que dans Al-Ma'arib, bon, qui est le terme qui est proche du terme At-Tawriya, comme on l'a expliqué, le fait donc de dire une parole que l'on veut à la suite de cette parole une signification bien précise et que celui qui entend cette parole comprend autre chose, une autre signification. Donc, il nous dit, Omar, que dans cela, est-ce qu'il n'y a pas suffisance pour le musulman d'éviter en fait Al-Kadhib, d'éviter en fait le mensonge? C'est-à-dire que, au lieu de mentir, alors on utilise, en cas de nécessité bien sûr, au lieu de mentir, alors on utilise ce procédé-là. Ça, c'est la parole de Omar. Wafihi Ayban, Bisanadin Sahih, c'est-à-dire dans le même livre. Bisanadin Sahih an Imran ibn Hussein, donc le Sahabi al-Jalil, radiyallahu ta'ala anhu. Annahu qal, inna fi ma'aridil kalam, laman duhatun anil kadhib. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Imran ibn Hussein, il nous dit que dans Al-Ma'arib, donc ce qu'on a expliqué, Al-Kalam, donc des paroles, la mandouhatun, c'est-à-dire une alternative au mensonge. C'est une alternative. On a donc maintenant une alternative, quelque chose qui nous est permis et une alternative pour ne pas tomber en fait dans le mensonge. Donc c'est une alternative au mensonge. Ça, c'est la parole en fait de Imrad ibn Hussein. Et l'autre parole, c'est celle de Omar, parmi les Sahaba. Inna fi ma'aridul kalam la mandouhatun anil kadib. ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري في الصحيح. Donc maintenant c'est ce qui est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني السبيل قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير طيب ça c'est quelque chose aussi, c'est un procédé qui a été utilisé, bien sûr ici c'est en cas de nécessité, même de grande nécessité, par Abu Bakr alors qu'il était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hijra, il a fait l'exode avec, comme vous le savez, son compagnon qui est bien sûr le plus aimé parmi, auprès du prophète, le plus aimé parmi les hommes, Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Lorsqu'il a fait l'exode avec lui, c'est-à-dire qu'il montait une monture et qu'il était bien sûr devant Abu Bakr. Et que Abu Bakr était une personne, donc il restait derrière lui, et que Abu Bakr, Sheikhoun Yuraf. C'est-à-dire qu'Abu Bakr est une personne qui était vieille et qui était connue. Il était connu en fait des gens, Yuraf. Et donc lorsqu'il passait dans un endroit ou lorsqu'il passait auprès de gens, les gens lui demandaient. Alors que le prophète sallam, lui, bien sûr, wa nabiyullah shabun la Yuraf. Et le prophète sallam était plus jeune et il n'était pas connu, contrairement à Abu Bakr. Donc les gens, lorsqu'ils rencontraient une personne, ils lui demandaient qui est cette personne qui alladhi bayna yadayk. Alors il disait Abu Bakr adar rajul yahdini as-sabil. Donc on voit ici le procédé qui va être utilisé. Adar rajul yahdini as-sabil. C'est-à-dire cette personne me montre la voie ou me guide sur la voie. Al-hidayatu al-irshadiyya. Alors qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? La personne elle croyait tout simplement qu'il voulait dire par là la voie, c'est-à-dire la rue, le chemin qu'il était en train d'emprunter. C'est-à-dire qu'il était pour lui en fait un guideur. Il comprenait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour Abu Bakr un guideur en fait, tout simplement. Quelqu'un qui le guide sur son chemin, un guideur. Alors qu'en vérité, Abu Bakr, lui, qu'est-ce qu'il voulait dans son intention et qu'est-ce qu'il disait par cette parole-là? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le guide sur le al-huda, Akhwan al-huda, sabil al-khair, c'est-à-dire la voie de la vérité, c'est-à-dire la voie de la religion, al-haq. C'est ce qu'il voulait dire par là, Abu Bakr. Donc on voit qu'il utilisait ce qu'on appelle la tawriya. C'était bien sûr en cas de nécessité, car vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, sa tête était mise à mort, il était recherché par Quraysh et qu'il voulait le tuer à tout prix. Et donc vous savez bien sûr l'histoire entre l'exode entre la Mecque Médine, Al-Médinatul Nabawiyya. Et en fait le terme tawriya, on peut le traduire en français Awal Ma'arib. Si on avait donné une traduction qui se rapproche, bien sûr on pourrait dire une dissimulation. C'est dissimulé en fait. On pourrait parler de dissimulation, dissimuler ce qu'on veut en fait, ce qu'on veut dire par la parole que l'on prononce. Taïb, comme ça. Taïb, on va pas commencer le prochain verset parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Inch'Allah ou Ta'ala. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bi'idhnillah. Et donc, on est dimanche. Donc le prochain cours sera lundi. Et le prochain cours sur Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, ce sera bien sûr jeudi, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika. Shadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.